Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Caprice de lecture où aujourd'hui nous allons consacrer cet épisode au premier salon du polar et du roman policier qui va se dérouler les 10 et 11 mai 2025 au village du livre de Fontenoy-la-Joûte. Et pour nous en parler, j'ai la chance d'avoir Bruno au téléphone qui est secrétaire et coordinateur des manifestations. Bonjour Bruno. Bonjour Sarah. Merci beaucoup de nous accorder ce temps en plein préparatif donc, de cette belle manifestation qui va durer sur les 2 jours pour faire découvrir un petit peu aux auditeurs donc, ce premier salon du polar. Alors justement, et ça c'est ma première question, pourquoi avez-vous choisi ce thème pour ce premier salon? Pourquoi plutôt le polar plutôt que la romance ou le roman du terroir? Alors déjà auparavant nous avions le salon Enfantina. Oui. Et nous avons souhaité proposer une alternative au vu du succès de la thématique qui est tout de même une thématique qui est extrêmement demandée par le public et qui jusque-là faisait défaut au village du livre. Donc on a tenté le coup pour cette année, voir ce que ça donne. Et si ça fonctionne bien, ce sera reproduit les années suivantes. Peut-être pas de façon systématique, mais de façon récurrente, certainement. Alors justement, comment ça se prépare, un salon comme ça? Je me dis, voilà, alors parce qu'effectivement, vous parlez du salon Enfantina. Je veux dire, on ne se lève pas un matin en se disant, tiens, allez, hop, on va faire un petit peu le corollaire pour adultes, on va faire un salon du polar. Est-ce que c'est parce que peut-être le public d'Enfantina est peut-être aussi friand de polar? Ou est-ce que vous avez des auteurs polars qui vous ont fait la proposition? Comment on imagine justement ce salon? Il faut en avoir l'idée. L'idée naît d'une observation de la fréquentation du public au vu des livres que les bouquinistes vendent. Oui. Et ça aurait été, disons, une lacune qu'à un moment donné, le village du livre ne propose pas une manifestation sur cette thématique. Ouais, d'accord. Voilà, donc ça, c'est l'idée de départ. Vous avez beaucoup de visiteurs qui achètent du polar, ou alors que ce soit en roman ou en BD ou autre support, qui sont plutôt dirigés vers ce type de littérature? Oui. Alors, polar, c'est surtout des romans. Hein. Oui. C'est surtout... ça commence avec Agatha Christie, Georges Simenon, et puis tous les classiques, et puis bien sûr tous les auteurs actuels, notamment les auteurs français. Oui, la prolifération d'auteurs français, qui écrit dans ce genre, c'est vrai. Voilà, il y a beaucoup d'auteurs nationaux, régionaux, qui écrivent dans cette thématique, et le public est très friand. Hein, voilà, c'est le genre de livre que l'on dévore et ensuite on en fonction de l'auteur de prédilection on rachète des titres du même auteur au fur et à mesure des sorties. D'accord. Alors justement, moi je regardais un petit peu sur les réseaux, vous avez fait une très belle programmation donc pour ces 2 jours. Donc il y a évidemment des séances de dédicaces, ça me paraît aller de soi dans un salon du polar avec différents auteurs, certains connus, d'autres peut-être un peu moins et qui gagnent à être connus. Donc vous proposez donc des quiz, des ateliers, des dédicaces. Comment ça s'organise tout ça? Je veux dire, un quiz, je crois même de mémoire que vous proposez une enquête ou un atelier sur les enquêtes. Comment on construit le quiz? Est-ce qu'on se met autour de la table avec les auteurs ou est-ce que ce sont vous, les bénévoles et les bouquinistes qui vous faites un peu un brainstorming? C'est parce que c'est une programmation un petit peu atypique. Hein. Quand on parle de salon, généralement, on imagine des auteurs dans une pièce, derrière une table. Et puis, on se dit, allez hop, je vais faire un tour. Et puis, si j'ai un petit coup de cœur sur un bouquin, je l'achète et je demande une dédicace. Vous prenez un peu le contre-pied de ça. Je trouve ça très intéressant. Parce que vous proposez aussi des choses très ludiques. Oui, alors le quiz, c'est une idée que l'on a eue en 2023. Ouais. C'est quelque chose que l'on met en place à au moins une fois dans le cours de la manifestation. D'accord. Et donc c'est à chaque fois que l'on fait une manifestation à thème, on propose un quiz. D'accord. Hein, donc pour le roman policier, il y en a un qui sera bien évidemment orienté roman policier. Ah oui. Donc ce seront des questions sur plein d'auteurs, sur plein de classiques, Donc les lecteurs auront plaisir à retrouver leurs références et apporter les bonnes réponses. Donc il y a des bons d'achat à gagner, hein, oui. et à dépenser donc dans les boutiques. Donc c'est l'occasion de rehausser son budget de la oui, du week-end. Surtout voilà. Quand on est un gros lecteur, enfin je fais partie de ce public et c'est toujours agréable d'avoir un petit bon d'achat qui vient en réduction d'un achat qu'on peut faire sur place. Voilà. Je confirme. Alors justement, on parle des différentes activités. J'ai pu voir aussi dans votre programmation que vous avez créé une animation interactive à la recherche du coupable. Alors moi, ça m'intrigue. Du coup, je vous pose la question, Bruno. C'est quoi cette animation interactive ? Alors, ça, c'est une animation qui est mise en place par la médiathèque de Baccarat. Ok, vous travaillez en partenariat avec eux sur cette manifestation. Voilà, tout à fait. D'accord. Et donc c'est l'animatrice Marianne qui viendra proposer cette animation. Donc c'est en continu le samedi de 14h à 17h. Ouais. Donc le public peut non seulement écouter ce qui se dit, mais bien sûr participer. Hein, c'est une animation interactive en continu. Ça c'est donc, bien. Et puis entièrement ouverte tout public et bien évidemment gratuite. Voilà. Ok. Alors pour terminer, Bruno, pouvez-vous nous rappeler les jours, les heures, les tarifs, s'il y a des tarifs qui sont impliqués sur certains ateliers, le lieu, je pense que c'est pas la peine, on sait tous où est le village du livre de Fontenoy-la-Joûte. Oui, alors le salon du roman policier sera centralisé dans le bas du village, donc d'accord. Il est impossible de rater, le village du livre est minuscule, le centre l'est encore davantage, donc les chapiteaux seront concentrés à cet endroit-là, et il y aura 4 ateliers conférences qui auront lieu à la galerie Mongotti, qui se trouve à 60 mètres, d'accord. Hein, donc c'est pas très loin. Vraiment à côté. Et voilà, alors il y aura donc, le salon en lui-même c'est de 10h à 18h, en continu sur les deux jours, donc samedi 10 et dimanche 11. Ok. Il y aura le samedi après-midi, on l'a dit, de 14h à 17h, une animation interactif continue par la médiathèque de Baccarat, ça c'est sur le lieu des stands. Ouais. Il y aura le quiz le samedi à 15h. Et ensuite, il y a donc 4 ateliers conférences. Alors je vais les citer, histoire de faire honneur aux auteurs. Ouais. Donc le samedi à 14h, il y aura Anne Wiemann-Sicherman. Oui. Avec donc comme titre « Comment faire interagir personnages historiques et personnages de fiction ». Voilà, okay. Ça c'est pour le samedi. Et pour le dimanche, il y en aura 3. Il n'y aura pas de quiz le dimanche, ni de médiathèque de Baccarat le dimanche, mais il y aura 3 ateliers conférences. Donc à 11h déjà le matin, il y aura Nathalie Rouillet, comment se construit une intrigue policière autour des personnages, des indices et des lieux historiques. Okay. À 14h, il y aura Annie Massy, alors vérité, vraisemblance et imagination dans le roman policier. Et à 16h, Denis Voynier, écrire et lire un roman policier. Hein, donc voilà, donc il faut bien comprendre qu'à chaque fois, le public participe avec, une feuille, un crayon. Ouais. Et puis, bien sûr, l'auteur animera cet atelier. Et, voilà. Et chaque atelier dure combien de temps à peu près ? Alors, il faut compter une heure. Hein, ok, environ une heure. Et il y a une entrée symbolique de 2 euros par personne. Voilà. Dernière petite question, Bruno. Et après, je vous libère, c'est promis. Est-ce qu'il y a de quoi se restaurer sur ces deux jours ? Oui, tout à fait. Il y a une restauration. Question très importante. Donc, il y a un food truck, hein, voilà, donc l'essentiel pour se restaurer sera présent au Village du Livre les deux jours. Voilà. Ok, Bruno, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cette belle manifestation donc, et première sur effectivement le roman policier et polar. Je vous souhaite beaucoup de succès, j'en doute pas une seconde, vous aurez du monde, j'en suis sûre. Et puis je vous dis à très bientôt donc sur les ondes de Fadjet pour nous parler peut-être d'un prochain événement ou peut-être d'un prochain salon. Merci beaucoup Bruno, à bientôt. Voilà, merci à vous Sarah. Merci, au revoir. Au revoir.